Les autres se mirent à rire, et un troisième dit à son tour : Messieurs, j'ai connu des jouissances que vous avez peut-être négligées. Je veux parler du comique dans l'amour, et d'un comique qui n'exclut pas l'admiration. J'ai plus admiré ma dernière maîtresse que vous n'avez pu, je crois, haïr ou aimer les vôtres. Et tout le monde l'admirait autant que moi. Quand nous entrions dans un restaurant, au bout de quelques minutes, chacun oubliait de manger pour la contempler. Les garçons eux-mêmes et la dame du comptoir ressentaient cette extase contagieuse jusqu'à oublier leurs devoirs. Bref, j'ai vécu quelque temps en tête à tête avec un phénomène vivant. Elle mangeait, mâchait, broyait, dévorait, engloutissait, mais avec l'air le plus léger et le plus insouciant du monde. Elle m'a tenu ainsi longtemps, en extase. Elle avait une manière douce, rêveuse, anglaise et romanesque de dire « J'ai faim ». Et elle répétait ces mots jour et nuit en montrant les plus jolies dents du monde qui vous eussent attendri et égayé à la fois. J'aurais pu faire ma fortune en la montrant dans les foires comme monstre polyphage. Je la nourrissais bien, et cependant, elle m'a quitté. Pour un fournisseur aux vivres, sans doute. Quelque chose d'approchant, une espèce d'employé dans l'intendance qui, par quelques tours de bâton à lui connu, fournit peut-être à cette pauvre enfant la ration de plusieurs soldats. C'est du moins ce que j'ai supposé.